The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Age. L'âge. Year. L'an. Can. Pouvoir. ID card. La carte d'identité. To let. Laisser. To enter. Entrer. Now, a bit faster. To enter. Entrer. Can. Pouvoir. To enter. Entrer. Year. L'an. To enter. Entrer. Can. Pouvoir. Year. L'an. ID card. La carte d'identité. To enter. Entrer. Year. L'an. Now, use the words in context. L'an. I'm 20 years old. J'ai 20 ans. Pouvoir. You can do it. Tu peux le faire. La carte d'identité. It's my identity card. C'est ma carte d'identité. Laissez. Don't let the children leave. Laisse-moi dormir. Entrez. Let me come in. Entre dans la maison. Laissez. Don't let the children leave. Laisse-moi dormir. Entrez. Let me come in. Entre dans la maison.